بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديك مونتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله ونفيني le chapitre des récipients. فاليوم نتروح في باب إزالة النجاسة وبيانها، qui est comment enlever les najasa, les impuretés, et démontrer quelles sont-elles. Awalan, il commence par un sujet important et dit Mas'ala. An-najasatu al-hissiyya tanqasimu ila qismayn. Que l'impureté hissiya, c'est-à-dire physique, parce que la physique et l'abstrait, c'est la croyance, comme on a dit, innama al-mushrikuna najas. Là, c'est que les associateurs ne sont qu'impureté. Là, c'est ma'nawiya. C'est par rapport à leur croyance et pas à leur personne. Donc là, il parle de l'impureté physique, qui est palpable. Donc il dit elle est en deux catégories. Najasa ayniya wa hiya ma kana aynuha najasun fala yathur abadan madamat ala aynaha kal gha'it wal mayt. Wa thaniya najasatu hukmiya wa hiya allati taqa' ala shay tahir fayunjasu biha. Donc la première, najasa ayniya, c'est celle qui est najasa en elle-même. La chose en elle-même, c'est une najasa, une impureté. Celle-là ne sera jamais purifiée tant qu'elle reste sur sa nature première. À l'exemple de des excréments ou de la chair morte. Par exemple, l'excrément, tant qu'il reste excrément, il reste une najasa. Tu pourras verser des milliers de litres d'eau sur lui. Tant qu'il reste présent, c'est une najasa. Car c'est une najasa en soi. Ou al-meita kazalik, la chair morte. La deuxième, c'est celle qui a pris un jugement de najasa, d'impureté. C'est-à-dire, c'est lorsque la najasa, ayniya, tombe sur une chose, ou se mélange à une chose pure, cette chose pure va devenir najasa aussi. Par exemple, un vêtement. Demain, tu as un vêtement, et il était touché par une najasa. Une impureté, par exemple. Ça, c'est najasa hukmi, c'est-à-dire le vêtement en soi, il est pur. Mais il était imprégné d'une najasa. Et celle-là, tu peux la nettoyer et l'enlever. Après, il redevient pur. Amen. Donc, il dit, mas'ala muhimma al-yum, celle du vinaigre. Et entre autres, de l'alcool. Il dit, rahimahullah ta'ala, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم. Selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم fut interrogé à propos de l'alcool. Est-ce qu'on peut en faire de l'alcool, du vinaigre? Enfin, il a dit non. Est-ce qu'on peut en faire du vinaigre? Il a dit non. Et le hadith rapporté par Muslim. تمام. المسائل والأحكام المستفالة من الحديث. Les règles, les sujets à profiter de ce hadith. أولا مسألة نجاسة الخمر. L'impureté de l'alcool. Le sujet là, c'est est-ce que l'alcool est une impureté ou pas. Donc il cite que la plupart des savants voient que l'alcool est une najasa, une impureté. في قوله تعالى إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Donc il dit que l'alcool, les jeux de hasard et ainsi de suite sont une chose mauvaise, des œuvres de Shaitan. Et certains ont même rapporté l'ijma dans cela, mais l'ijma n'est pas vrai. Donc après, l'imam Nawawi dit que ceux qui voient que l'alcool est une najasa par rapport à ce verset, le verset en soi n'est pas une preuve. Car rijz, comme cela est venu, chose mauvaise, chez les gens de la langue arabe, ça peut être une saleté. Cela n'implique pas forcément une impureté. Et comme le fait également de s'en éloigner, que Allah nous a ordonné de s'en éloigner, cela ne veut pas forcément dire non plus que c'est une impureté. Combien de choses nous a-t-il été ordonné de nous éloigner, cela ne veut pas dire que c'est une impureté. Après, il rapporte une parole de Sanani dans Soubou al-Salam, qui est un charh de Boulou al-Maram aussi, où il dit que la base, en vérité, la base dans les choses, c'est qu'elles sont pures. Et qu'une chose interdite n'implique pas forcément qu'elle soit impure. Par exemple, il dit le hashisha, les drogues, le poison mortel, par exemple, tout cela sont des choses qui sont interdites. Mais il n'y a aucune preuve qu'elles sont impures. Donc lui, il voit qu'en se basant cela, l'alcool, il en est de même. L'alcool est une chose interdite. C'est du fisc, c'est la perversion, c'est un grand péché. Cependant, on n'a pas de preuve claire qui démontre que l'alcool, en soi, c'est une najasa, une impureté. Et Cheikh Al-Othaymin, rahmallahu ta'ala, il voit que la parole authentique, c'est que l'alcool n'est pas une impureté, en soi. Il sert du hadith, rapporté dans les Sahihain, que lorsque le khamr a été rendu illicite, les gens sont sortis et ils ont tout renversé par terre, dans les souks. Ça a coulé, ça les a touchés. Et des lieux où les moussimouls se rassemblent. Donc ils disent, ça aurait été une najasa, ils n'auraient pas fait là. C'est comme demain, je ne sais pas, quelqu'un il vient, il a de l'urine, il verse dans le marché de là où il y a tout le monde. Ça va être accepté ça? Ça peut être accepté. Par exemple, il a de l'urine, un exemple. Il verse dans le marché là où il y a tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Révolte sur lui. C'est une najasa, c'est impur. Là, c'est l'alcool. Ça aurait été une impureté, ça aurait été pareil. Ça n'aurait pas été accepté. Au pire, on leur aurait dit de le verser ailleurs, dans un autre lieu. Pour là où il y a tout le monde qui marche, là où tout le monde passe. Donc là, c'est une des preuves. Que si l'alcool avait été une impureté, il n'aurait pas été permis de le déverser dans le marché. Ça, c'est dans le hadith de Anas. Muttafaqun alayh. C'était d'autres hadiths, mais celui-là suffit, Inch'Allah. Donc il dit pareillement que la base dans les choses, c'est qu'elles sont pures, tant qu'on n'a pas une preuve qui démontre qu'elles sont impures. Et également, par rapport au verset cité précédemment, il dit quoi? On dit que rijz veut dire najasa, par exemple. La sortie de najasa, quoi? Ma'nawiya, abstraite. Pourquoi? Il dit min amri shaitan, des œuvres de shaitan, pour dire que cette façon de faire est une najasa. Ces actes en soi sont une najasa. Tirer au sort par les flèches, les jeux de hasard. Par exemple, un jeu de hasard demain, tu vas le toucher, c'est une najasa? Non. Le fait d'y jouer, c'est une chose impure. Mais demain, tu as un jeu qu'on appelle les jeux de hasard. Tu l'as dans la main, par exemple. Je sais pas, moi, tu sais, les jeux qu'on gratte, par exemple. Un loto ou les jeux qu'on gratte, là. Est-ce que ce jeu-là en lui-même est une najasa? Non. C'est le fait d'y jouer. D'accord? Le fait de s'y attribuer. Le fait de l'appliquer, c'est ça qui est une najasa. Comme la croyance du kafir. Le kafir en lui-même n'est pas une najasa, mais sa croyance l'est. Hein? Donc il dit même, le verset, on peut l'interpréter. Quand même. Donc là, c'est le premier point. Que l'alcool, malgré khilaf, bien que certains ont même rapporté l'ijma, en réalité, l'alcool en soi n'est pas une najasa. D'accord? Et c'est l'avis qui paraît le plus fort. Ensuite, il dit hukm, tahlil et l'khamr. Le fait de transformer l'alcool en vinaigre. Donc il dit que la plupart des gens de science voient que cela est interdit de rendre l'alcool en vinaigre si on y ajoute des choses. En prenant comme preuve le hadith du chapitre. Même an al-kham tuttakhazu khallan qala la. Est-ce que l'alcool, on peut en faire du vinaigre? Il a dit non. Également, ils ont pris un hadith apporté par Anas chez Ahmed et Abu Daoud avec un istinad sahih, un hadith qui est sahih, que Abu Talha سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهركها قال فلا نجعلها خلا قال لا كأبو طلحة interrogé le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos d'orphelins qui ont hérité d'alcool. Il lui a dit déverse-le l'alcool. Hein? Déverse-le. Des orphelins qui ont hérité d'alcool. Ils ont hérité. Peut-être que leur père avait de l'alcool et comme il est mort, ils l'ont hérité, ils en ont hérité. Donc il dit déverse-le, vide-le d'alcool. Et il dit ne pouvez-vous pas en faire du vinaigre? Il a dit non. Pas même. Donc si le fait de le faire de l'alcool était permis, pourquoi? Il n'y aurait jamais eu de gaspillage en déversant cet alcool par terre. On aurait tiré profit pour faire autre chose avec. Et quant au fait, par contre, de prendre le vinaigre, l'alcool plutôt, et de le mettre à l'ombre ou au soleil pour en faire du vinaigre, afouane, ça c'est pas permis. Bien que certains savants l'ont autorisé, ça rentre dans le même jugement. C'est toi qui as contribué à ce que cet alcool deviennent vinaigre. Donc transformer le vinaigre en alcool, cela n'est pas permis. Quand même, qu'on y ajoute des choses ou qu'on l'entrepose quelque part ou quoi pour qu'il devienne vinaigre, ce n'est pas permis. Après il dit Mas'ala, إذا تخللت الخمر بنفسها. Maintenant c'est là. Si l'alcool devient vinaigre de lui-même. L'alcool devient vinaigre de lui-même. Donc il dit, l'imam Nawawi, que si jamais cet alcool devient vinaigre de lui-même, alors il devient pur, avec l'ijma des gens de science. Malgré que cet ijma a été contredit par deux personnes. Et ça, c'est pour la parole de celui qui voit que l'alcool est une najasa. On précise. Amen. Il dit qu'il devient pur. Donc ensuite il dit, si jamais l'homme vient à transformer l'alcool en vin, est-ce que cet alcool devient licite? Est-ce que cet alcool devient licite? Donc on dit, il lui rapporte que la Jumu'ul al-Ilm, la plupart des gens de science, voient que celui qui fait cela, il aura commis un péché. Tamam. Qu'il aura commis un péché, qu'elle aura transformé de l'alcool en vinaigre par une façon, une voie non légiférée, une voie interdite. Ce qui fait cela a commis un péché. Donc il voit que même l'alcool en lui-même, le khamr en lui-même, il est rejeté. Et d'autres savants voient que bien qu'il ait commis un péché, à partir du moment où c'est sorti de sa nature d'alcool, c'est devenu une chose qui est devenue licite. C'est-à-dire le vinaigre, même une fois que tu l'as transformé l'alcool, une fois que tu l'as transformé en vinaigre, certains voient que le vinaigre il est haram celui-là. Et que l'homme qui a fait cela a commis un péché. D'autres ulama disent non, il a commis un péché certes, quand même, mais maintenant ce n'est plus de l'alcool, donc la chose en soi n'est plus illicite. À l'exemple de quoi? La peau du porc. Mathalan. À la base, le porc, c'est une. Mais yani, à la base, le porc, sa chair nous est interdite. Et qui s'il est tué, c'est forcément de maïta. On ne peut pas égorger un porc et dire bismillah. Ça n'existe pas. D'ailleurs, les porcs, ils n'ont pas de cou pour les égorger. Tu peux le voir. Tu ne peux pas l'égorger le porc. Ça même? Comme tu vas égorger un mouton, du moins. Tu ne pourras pas. Maintenant, sa peau, une fois qu'elle est tannée, elle devient pure et licite. Tu peux même la porter, faire des vêtements avec, quoi qu'il en soit. Et bien, il voit que l'alcool, le vinaigre, c'est pareil. Quand même, le fait de s'être procuré d'alcool et après l'avoir mis en vinaigre, par confection industrielle, c'est-à-dire par la main de l'homme, c'est une chose qui est illicite. Mais une fois que le vinaigre il est là, lui il est licite. Il n'est plus alcool. Comment on peut le rendre haram? Il n'est plus alcool. Femme Tani? Si quelqu'un te dit pourquoi il est haram, tu dis c'est le vinaigre, il n'y a pas d'alcool dedans. Pourquoi le vinaigre en lui maintenant il est haram? Pourquoi? Tu pourrais dire parce qu'on a interdit de le faire. Non, ça y est, c'est fait maintenant. Parce que le fait d'interdire de le faire veut dire que la chose, au final, va être elle-même illicite. Tu lui dis, c'est plus de l'alcool maintenant. Même, c'est plus de l'alcool maintenant. Donc, il voit que ce vinaigre-là est devenu licite. C'est pas du vénère ou tu parles de la vente ici? Pas du moins illicite, tu peux pas interdire de le vendre. Après. Si c'est devenu illicite, tu peux faire. C'est comme la peau du porc, la peau du chien. Une fois que c'est devenu illicite, pourquoi tu peux pas le vendre? Peut-être du côté de Taaron à l'Ismo al-Ardouane, toi. Mais celui qui le vend, par exemple, on va dire, moi, mon vinaigre là, il est halal. C'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est pas moi qui ai transformé de l'alcool. Que celui qui l'a confectionné, celui qui l'a confectionné en alcool, en vinaigre, a commis un péché. Mais le vinaigre au final devient halal, celui-là. Tu peux le consommer, c'est pas haram, tu le manges. Pourquoi? Quand même. Après, il y a eu un khilaf par des savants, même, est-ce qu'on peut le vendre ou pas ce vinaigre-là? Parce que là, en le vendant, tu encourages des gens à le faire. Tu encourages des gens à justement à le transformer industriellement. Donc tu contribues à leur péché. Et d'autres vont dire, non, ouais, peut-être, mais à la base, tu n'es plus responsable parce que ce vinaigre, il est licite. On ne peut pas l'interdire. Pour l'interdire, il faut un dalil. Que cette chose-là, en elle-même, est illicite. Si elle est illicite, tu peux la vendre, tu peux la consommer. Si tu peux la consommer, pourquoi ne pas la vendre? Si tu l'interdis à la vente, interdis la consommation aussi. Et là, tu auras interdit une chose que voilà, on lui permet. Mais ça, c'est un relève qui, je sais, qui existe, qui est dur. Tu vois? Car ce vinaigre n'est plus enivrant. Et c'est quoi qui est interdit dans l'alcool? C'est le fait qu'il soit enivrant. Donc il n'est plus enivrant, rien du tout. Donc il devient licite à la consommation. C'est comme ce qu'on appelle des boissons actuellement là, bière sans alcool. Ou champagne sans alcool. Ces boissons en soi sont licites. Il n'y a pas d'alcool dedans. Le goût, tu vas ressembler que c'est le même goût qu'il y a une bière. Moi je veux pas t'encourager à en boire. Là on parle du jugement. Chalaï. Légiféré. Une bière sans alcool. Celui qui en boit, il n'a commis aucun péché. Il n'y a pas de haram dedans. C'est vrai que l'aspect, la canette, ça ressemble à une canette de bière. Le goût, ça ressemble au goût de la bière. Dans ce cas-là, on va interdire la charcuterie, halal, qu'ils font. Le faux saucisson, le faux bacon, le faux salami, on va tout interdire. Même t'as dit, c'est quoi la base qui fait que l'alcool s'interdit? C'est qu'il est enivre. Maintenant, t'as une boisson qui a le goût de l'alcool et qui n'est pas enivrante. C'est pas le goût qui est interdit. C'est le côté enivrant qui est interdit. Là, il n'y est plus. Ouais, c'est ça. Mais l'alcool est enivrant. Tout alcool enivre. Même si tu le sens pas, il enivre. Même si c'est 1%, il enivre. Mais l'alcool qui n'enivre pas, ça n'existe pas. Peut-être que tu ne ressens pas comme un truc qui est à 90%, mais il t'enivre un petit peu. Il est là, l'alcool. Même t'as dit, quand partout le monde est présent, l'alcool, à 1% ou à 0,50% ou ce que tu veux, il y a de l'alcool dedans, c'est haram. Direct. Maintenant, il n'y a plus d'alcool dedans. Est-ce qu'on va dire que c'est haram? On va consommer? On ne peut pas, il n'y a pas de dalil. Parce que les gens disent, ouais, mais ça ressemble à l'alcool. Ça ressemble à rien, c'est pas de l'alcool. Si tu interdis cela, tu interdis également la charcuterie alors. Et tu interdis beaucoup de choses. Tu interdis par exemple, je sais pas moi, les plein de nourritures qui ressemblent à des choses qui sont à la base haram. Plein. Et comme on a demandé une fois à Cheikh Fath al-Qadassi, dans tout ce qui est nourriture que tu manges, que tu consommes, il n'y a pas de tachaboul bekoufa. Ça n'existe pas. Dans ce que tu manges, que tu consommes, que tu bois, il n'y a pas de tachaboul bekoufa. Tu peux manger ce que tu veux, que ce soit un plat belge, que ce soit un plat thaïlandais, que ce soit un plat ce que tu veux, tu le manges. Tant qu'il est halal. Il n'y a pas de tachaboul bekoufa dans ce que tu consommes. Maintenant, par exemple, demain, on te donne une galette des rois, tu peux la manger, il n'y a rien de haram dedans. Par contre, le hic, le problème c'est où? C'est de ne participer le jour de la fête. Là ouais. Mais par rapport à la célébration, de contribuer avec eux. Ce qui est haram, c'est la célébration. Le fait de cautionner cela. C'est ça qu'il est. Tout ce qui est nourriture que tu consommes, il n'y a pas de tachaboul bekoufa. Tu peux manger des sushis, manger des nems, manger ce que tu veux, des hamburgers, tous des américains, ce que tu veux. Tant que c'est halal, il n'y a pas de tachaboul bekoufa dans ce que tu manges, que tu bois. Même une bière sans alcool, tu peux la boire. On ne dit pas que tu es un alcoolique. On dit pas d'alcool dedans. Tu peux dire maintenant, moi, j'aime pas toi, tu peux être réticent, va fiché. Mais un jugement chalaï légiféré, c'est permis. Après, les gens peuvent dire, moi, je préfère me retenir. J'aime pas trop, je sens pas ou quoi. C'est possible. C'est quelqu'un qui dit, ouais, je suis pas moutard. طيب il va dire c'est haram, il ne pourra pas dire c'est haram. Il ne pourra pas dire c'est haram. Par contre, la niya de celui qui l'a fabriqué, ça c'est autre chose. Est-ce que lui il a voulu te faire donner envie des choses du passé pour t'y ramener, c'est autre chose. Le fabricant, c'est son problème. C'était quoi sa niya? Hein? Sa niya revient à Allah. C'est quoi qu'il a voulu faire? Ton âme, il veut faire ça pour une passerelle pour te ramener en arrière. Tu sais, tu bois par exemple une bière sans alcool, ça te rappelle le goût de... Qu'est-ce qu'il veut dire? Une vraie bière, quand même, tu vois. Hop, il a glissé à cause de ça. Ben lui, on dit, toi, n'en bois pas. Ça peut te faire tomber, ça. Ça te ramène en arrière. Mais à la base, cette boisson en soi, là, elle n'est pas haram. Maintenant, si le confectionneur l'a fait pour te ramener en arrière, il sera jugé pour son intention. Mais sa boisson en soi, si des magasins la vendent, celui qui la vend, il n'a pas de péché. Il vend, c'est halal. Le Dukken qui vend cette boisson-là, on ne peut pas le blâmer. Chal'an. Même t'année bah, ça, c'est un point important. Parce que des gens, souvent, ont tendance à mettre un jugement par rapport à une chose qu'ils s'imaginent. Mais en réalité, quand tu regardes bien dans la mas'ala, tu cherches bien, les preuves légiférées, il n'y a rien qui interdit une chose. Mais c'est quoi ta preuve? Tu me dis que cette boisson-là, elle est haram. Quel est son contenu qui la rend haram? Dis-moi quel contenant elle a, qui veut que j'en dans mon ventre, qui fait c'est haram. Oui, mais ça ressemble. Après, c'est pas ça ressemble. Cette boisson-là, en quoi elle est haram? Dis-moi où elle est haram. C'est-à-dire, si je la bois, j'ai commis un péché. En quoi? Donne-moi une preuve, un hadith, un verset ou quoi. Il n'y en aura pas. Et on leur dit bien, dans les nourritures comme ça, il n'y a pas de tachaboul de koufa. Tu manges ce que tu veux, tant que c'est halal. Madame, rahmatullah alayna. C'est comme la masala des vêtements, par exemple, le kamis en soi. C'est pas wajib de porter un kamis. Ce qui est interdit, c'est de ressembler au koufar. Il n'y a pas de vêtements musulmans obligatoires à porter. À porter pendant le hajj. Sinon, il n'y a pas de vêtement, on va dire ça, c'est un vêtement d'islam, tu es obligé de le porter. On va dire non, on va dire ce qui était interdit, ça ressemble au koufar. Mais ce que tu veux comme vêtement, tant que ça couvre ta aura, tes parties intimes, et que ça ne ressemble pas aux mécréants, ni aux femmes. Bref, ce que tu veux. Mais on a quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme vêtements aujourd'hui? C'est des vêtements que les musulmans portent en général. Maintenant, nous, on fait quoi? On dit, bah, quitte à porter un vêtement, autant mettre une niya d'adoration et ressembler au professeur Salem, mettre un kamis. Ou mettre un izar. Maintenant, est-ce qu'on va dire, t'as pas, t'as mis le kamis, t'as commis un péché? Je fais sûrement pas. Ce qu'on m'a demandé, c'est de ne pas ressembler au koufar. C'est tout ce qu'on m'a demandé. Il n'y a pas d'un qui dit, porte un kamis, oublie, wajib. Ça n'existe pas, ça. Même Charles Ben, il le dit. Tu vois, il a dit, ce qu'il te demandait, c'est d'avoir un vêtement qui recouvre tes parties intimes et qui ne soit pas des vêtements propres au koufar et ni aux femmes pour l'homme. Et ni à l'homme pour la femme. Par contre, la femme, si. Son hijab, c'est wajib pour elle. Par exemple. Là, il y a des choses qui sont wajib pour elle de faire. Mais on peut mettre au même statut que se couvrir nos parties intimes, nous. Parce que la femme doit couvrir son visage, ses cheveux et tout. Visage avec le khilaf, que tu connais. En tout cas, les cheveux. Parce qu'il n'y a pas de khilaf, à part chez les. Tu vois, chez les musulmans qui veulent plaire au koufar. Ou qui ont un problème dans leur hymen. Sinon, il n'y a pas de khilaf là-dessus. Le khilaf, c'est le visage, par exemple. Sinon, la femme doit avoir un grand voile sur elle. Même le noir, c'est pas obligé le noir, de porter du noir. C'est pas obligé le noir. Maintenant, tu es dans un pays où les femmes sont toutes en noir, non. Alors, tu ne te mets pas en rouge. Tu ne te mets pas en bleu, marine, en vert, et te faire remarquer. Le but, c'est de fondre dans la masse pour la femme. Là, ça revient au urf, par contre, aux coutumes des gens. Un pays où toutes les femmes sont en noir, tu ne viens pas avec du beige ou avec du vert kaki. Tu vas te faire remarquer, c'est pas bon. Non. Maintenant, un pays où c'est répandu, les femmes ont des vêtements colorés, mais pas, c'est pas les couleurs vives non plus. Hein. Tu vois. Elle peut le faire. Le noir en soi n'est pas obligatoire. Et les gens, il faut arriver à comprendre ça. Comprendre ce qui est coutume, ce qui est obligatoire, ce qui est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Dans son lokoufa, pour l'homme. Donc, ne portent pas leurs vêtements qui leur sont spécifiques. À un moment donné, les vêtements généraux, c'est autre chose. Les vêtements, ils sont généraux pour tous les hommes. C'est venu général, c'est pas propre à une coutume ou à un peuple. C'est tout que tout le monde met. Tu vois? Là-dessus, il n'y a pas de chabot. Par exemple, des chaussettes, tu mets un tricot, par exemple, tout comme ça. Mais maintenant, tu viens avec une tenue propre à un peuple pour une chose définie, ça c'est autre chose. Ah, mais le kamis en soi, moi, il n'y a pas plus représentatif pour le musulman que le kamis. c'est certain. Tu portes la camisole, c'est que t'es un musulman à la base. C'est sûr. Donc, tu mets niya de ibada, t'as une récompense. Que demander de plus? Et le camis, c'est beau. Le camis, c'est beau. L'izar, pareil. Tu mets l'izar, un panne, miyawaz, zakada, pas mal. Ça y est. Ensuite, il dit, istahala en najasa. La transformation de la najasa. La plupart des savants disent que la najasa, ça se transforme, comme par exemple l'excrément qui deviendrait de la terre, ou par exemple de la chair morte qui tombe dans du sel et qui devient sel comme le sel, il n'arrive plus à distinguer, ça devient du sel comme le sel, ou ainsi de suite. Alors ils disent, elle reste najasa. Sa nature n'a pas changé. Il voit que elle reste najasa. Par exemple, demain, quelqu'un, t'as eu un excrément de chien dans un coin. Ça va? Avec le temps, c'est devenu comme le sol, comme du sable, comme de la terre. C'est plus son apparence, c'est fini. Et bien, ils disent, c'est quand même najasa à cet endroit-là. Même si ce n'est plus ce qu'on connaît comme excrément avec son apparence, on ne le voit plus. S'il est toujours là et que c'était son origine, c'était un excrément de chien, ça reste une najasa. Ou un cadavre d'animal qui était quelque part, avec le temps, c'est devenu de la poussière. C'est toujours au même endroit. Pour eux, c'est une najasa. Tamam. Et la parole réelle, c'est que non. Ça fait un peu comme l'eau. Car cette chose est sortie de sa nature. Tu comprends? Par exemple, cet excrément est devenu terre. C'est le prix du jugement de la terre. Ce n'est plus une najasa maintenant. C'est un peu comme la peau qu'on a pris de tannage. C'est devenu du cuir, c'est plus de la peau de bête morte. Bien que même cette masse-là est plus claire, parce que ça reste toujours une apparence de peau. Mais elle était purifiée. Et bien ça a été purifié par quoi? Par un côté naturel. Mathalan. Et ça, c'est les paroles du Cheikh al-Islam et d'Ibn Qayyim. C'est un peu long, on va pas le citer, tu vois. Mais ils disent qu'en réalité, c'est ça. Si la najasa, elle s'est transformée, et elle est sortie de sa nature, de najasa, pour devenir une chose qui n'est plus najasa, une chose tahir, alors devient comme elle. Et ça, c'est pour appuyer quoi? L'alcool devenu vinaigre. Toi, tu n'as pas le droit, toi-même, industriellement, de changer l'alcool en vinaigre. Mais s'il devient tout seul vinaigre, il n'y a pas de péché, tu peux le consommer. Donc ça rentre dans ce jugement-là. C'est plus une najasa maintenant. Du moins, pour ceux qui ont une najasa, l'alcool. D'accord? Pour ceux qui ont une najasa, c'est plus une najasa maintenant. Il devient du vinaigre, pur. Et pour ceux qui font que c'est pas une najasa, c'est plus devenu haram. Il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus d'enivrant, c'est devenu du vinaigre. Et celui qui l'a confessionné de sa main, il a commis un péché, c'est un musulman, même un kafir, il a commis un péché. Mais celui qui la consomme ou quoi, pas de péché sur lui, en réalité. Maintenant, il y a un khilaf, est-ce que tu peux le vendre et contribuer à sa distribution après qu'il ait été changé en vinaigre de façon illicite? Est-ce que toi, tu as le droit de contribuer par la suite? Là, il y a un khilaf aussi. Mais le consommer en soi, il n'y en a pas. Combien on a de produits aujourd'hui? Combien on a de produits aujourd'hui? Il y a du vinaigre dedans. Combien? Mayonnaise, ketchup, combien de sauces? Plein de vinaigre. C'est pas de l'alcool, le vinaigre. Tu comprends? Et ça rentre à la règle qu'on a pris au début. Elle m'a chaque cas, t'as dit de taïsir. La difficulté amène à la facilité. Maintenant, tu verras qu'il y a des gens de science qui vont dire tu ne le consommes pas non plus. Car c'est comme si tu consommais la chose. On dirait non, il est là, moi je le consomme. C'est la vie qui paraît le plus fort. Même que le vinaigre, même industriel, une fois qu'il est là, il est licite. Si demain t'en as mangé ou quoi, t'as pas à manger du haram. T'as pas à manger du haram. Maintenant, le plus gros khilaf, c'est as-tu le droit de contribuer à sa vente ou pas? Tu peux en vendre ou pas, ça c'est un autre sujet encore. Même là, on parle du hukm. par rapport au chala. Est-ce qu'il est pur ou impur? Najasa, pas najasa, licite ou illicite. Tamam? Pardon. نكتفي بهذا ونقول الحمد لله رب العالمين.